je vais vomir, merci. You don't understand what I say? No, I don't. Hi, funny shoes. You don't understand what I say? Non, bah, c'est pas grave. Moi aussi, je t'aime. Mais je viens de te le dire, t'as pas non plus me... Tu as déjà été dans une salle de gymnastique. Alors ça. Allô, qui est là? Une connerie pareille, ça risque de marcher. Hein. Do you understand what I say? No, I don't. Bonjour, je m'appelle Koé. Allô? Non plus, bah à l'habitude. No, I don't. Ah, j'ai chié dans la compote. Comme tu n'as rien compris du tout, hein. Tu m'énerves toi, je préfère encore parler avec lui qu'avec toi. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Ne touche plus à rien.